aimeras le Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, car c'est là sa parole. Tu aimeras ton prochain et comme toi-même, car c'est là la loi et les proverbes. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne s'achève pas. L'amour n'est pas malhonnête, il ne semble point d'orgueil. Combien même je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour là, tout cela n'est que vanité. Oui, quand j'aurai toute la science de tout mystère, sans l'amour, tout cela n'est que vanité. L'amour réel supporte tout, l'amour réel excuse tout. L'amour réel pardonne tout, l'amour réel croit en tout. Versets 1 à 13, les vertus de l'amour. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à méditer chaque jour de ton existence ce passage et de le mettre en pratique, afin que ta vie soit comme un parfum agréable aux yeux de ton Seigneur. L'amour est patient, l'amour en service, l'amour ne s'irrite pas, l'amour n'est pas malhonnête, il ne semble point d'orgueil. L'amour n'est pas envieux. Toda la vida quiero seguirte para siempre. Quiero seguirte toda la vida, quiero seguirte para siempre. Et le jour, la nuit, je veux marcher avec toi.